chez Dolbeauto, venez voir la toute nouvelle Chevrolet Cruze 2016, complètement redessinée. Avec une efficacité énergétique de 5,6 litres au 100 km, à partir de seulement 17 845 $. La Chevrolet Cruze 2016 vous apportera des satisfactions au quotidien. Toute notre équipe est fière de féliciter Shane Gauthier, qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg. Dolbeauto, au 1770 Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Pour ouvrir la semaine, on va parler de golf. C'était il y avait un tournoi de golf dans la région de Québec. On surveillait Pierre-Alexandre Bédard. Et Pierre-Alexandre Bédard a pris le troisième rang avec un pointage de 139, soit moins 5. Et il a remporté les honneurs comme meilleur joueur de la région de Québec au tournoi de Cannes. Ça va se poursuivre au courant de l'été. Évidemment, Pierre-Alexandre Bédard vise rien de moins que les championnats canadiens amateurs de golf qui seront présentés plus tard dans l'été. Et puisqu'il est question de golf, il y avait une compétition de la Coupe des champions à Chibougamau. Et en classe A, c'est Sean Narizov qui a remporté la victoire avec un pointage de 77. En classe B, Jules Gagné a été le meilleur avec un pointage de 72. Et en classe C, la victoire est allée à Pierre Cochon qui a remporté la victoire avec un pointage de 89. Il y avait une compétition d'hommes forts à Warwick en fin de semaine et il y avait un homme fort de Dolbeau-Mistassini qui est en action, c'est Jackie Willett. Et Jackie Willett a fait quand même une très très belle performance. Il a pris le quatrième rang lors de cette compétition-là. Il a ramené un pointage de 60.5. Maintenant, on va parler de soccer. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, au niveau de la catégorie U16 masculin, ça se déroulait à Alma hier, verdict nul de 1-1 entre le FC de Saint-Félicien et le Boréal d'Alma. Dans la catégorie senior féminin division 2, ça se déroulait à Saint-Félicien, victoire du FC de Saint-Félicien 3-1 sur le Chinook. Et à Saint-Prime, hier, dans la catégorie senior féminin division 1, défaite cinglante pour l'équipe de Saint-Prime, 7-0 sur le Boréal d'Alma. Et il y avait maintenant un tournoi de beach volley qui se déroulait à Chibougamau au cours de la dernière fin de semaine. Et il y avait 100 joueurs répartis dans 25 équipes qui étaient à Chibougamau pour la circonstance. Les gagnants dans la classe A, c'est les Chills. Dans la classe B, c'est les Twists qui ont été le meilleur. Et dans la catégorie C, c'est les Six-Pack et un Barry qui ont remporté la victoire. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.